الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن الصلاة أفضل موضوع وأعظم العمل وخير ما تقرب به إلى الله عز وجل وقد خصت الصلاة من بين سائر العبادات والطاعات بخصائص عظيمة وميزات عظيمة تدل على عظم شأنها ورفيع قدرها وعلو مكانتها عند الله عز وجل وفي دين الله تبارك وتعالى وتدل على عظيم محبة الله لها وهذه الخصائص أيها المؤمنون كلما ازداد العبد عناية بها ازداد تعظيما للصلاة ومحافظة عليها ومن تلكم الخصائص أيها المؤمنون أن الله عز وجل افترضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أشرف ليالي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرفها وأعظمها تلكم الليلة العظيمة المباركة التي عرج فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في تلكم الليلة كلام الله عز وجل كلام رب العالمين بلا واسطة فافترض الله عز وجل عليه الصلاة بدون واسطة سبحانه وتعالى بينما سائر العبادات والطاعات أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا فأسمعه جبريل عليه السلام فبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم كل ذلكم يا عباد الله إظهارا وبيانا لعلو هذه الصلاة وعظيم شأن هذه العبادة ومن خصائصها يا عباد الله أن أول ما فرضت بخمسين صلاة ثم خففت فجعلها الله سبحانه وتعالى خمس صلوات في العدد وخمسين صلاة في الوزن كما جاء ذلك في الصحيحين وهذا من جزيل من الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أمة محمد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ومن هذه الخصائص أن الصلاة شريعة الله عز وجل ودينه في سائر شرائعه في سائر شرائع جميع الأنبياء أو في شريعة جميع الأنبياء، كما تجد ذلك في قصص النبيين في القرآن الكريم. ومن هذه الخصائص أن الصلاة يا عباد الله قدمت بأعمال عظيمة، وسبقت بها وسبقت بها كالطهارة والوضوء والآذان والإقامة، ولأجل ذلكم يا عباد الله بنيت المساجد، بنيت بيوت الله سبحانه وتعالى، كل ذلكم لإقامة الصلاة وبيانا لعلو قدرها. وهذه الصلاة يا عباد الله هي أول الأعمال التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر الأعمال، أو فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ومن خصائصها أيها المؤمنون هي أول الأعمال إيجابا على العباد. وفي الحديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالصلاة أيها المؤمنون أول عمل يدعى العباد إليها. ومن هذه الخصائص أن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وذلك يا عباد الله أنها ميزان الإيمان وبرهان صدقه. وعند أحمد رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا أجمعين معظمين للصلاة، مقيمين لها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، certes la prière est un des sujets les plus importants, l'œuvre la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure chose par laquelle on se rapproche de notre Seigneur, on s'élève en degré et on se voit préservé du châtiment dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et cette prière, chers frères, a de nombreuses particularités, et tout cela nous montre la grande place de la prière en islam, la grande place de la prière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grande place que doit avoir cette prière dans le cœur de chaque croyant. Tout cela nous montre sa grande valeur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup cette prière, cette adoration. Et plus le serviteur a connaissance de ses particularités, des particularités et spécificités de cette prière, plus il lui accordera de l'importance et mieux il l'accomplira. Donc parmi ses spécificités, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait prescrite et ordonné à son serviteur et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit la plus noble vécue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a ordonné cela et prescrit cela lors de la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. La nuit la plus noble vécue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la plus immense. Dans cette nuit bénie, Allah subhanahu wa ta'ala fit voyager notre prophète alayhi salatu wa sallam de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis. Puis il l'éleva jusqu'à dépasser le premier ciel, le ciel de ce bas monde, puis le second, puis le troisième jusqu'au septième ciel. Ensuite, il dépassa le septième ciel. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, en lui parlant de vive voix, la prière. Alors que l'ensemble de la législation des ordres, des informations lui ont été révélées par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, alors qu'il était sur la terre, ou en songe. Mais pour la prière, Allah subhanahu wa ta'ala l'éleva au-dessus des sept cieux et il lui révéla l'ordre de la prière, contrairement aux autres adorations, comme vous venez de l'entendre. Tout cela nous montre que la prière est l'action la plus importante, la plus grande et la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Bukhari, on trouve que le prophète alayhi salatu wa salam fut questionné par Abdullah radiallahu anhu, qui lui dit: ô messager d'Allah, quel est l'acte, l'œuvre la plus aimée chez Allah? Le prophète alayhi salatu wa salam lui répondit: la prière en son temps. La prière en son temps. Parmi les particularités de cette prière, c'est que dans un premier temps, lorsqu'Allah Azza wa Jalla ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'ascension, il lui ordonna 50 prières. Puis il lui allégea cela au nombre de 5. Et comme c'est venu dans le hadith, elles sont 5 en nombre, mais 50, c'est-à-dire 50 en récompense et en valeur. Parmi les spécificités de la prière, c'est que c'est un ordre qui a été adressé à l'ensemble des prophètes, à la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais également aux communautés passées. Et celui qui lit le Coran et ses histoires et ses récits trouvera cela. Parmi les spécificités de la prière, c'est qu'avant de l'accomplir, Allah Azza wa Jal nous a légiféré plusieurs choses à faire, une préparation, et il a légiféré l'élévation des mosquées et leur construction, et a rattaché à cela une grande récompense. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui construit pour Allah une demeure, une mosquée, Allah lui construira une maison au paradis. Il nous a été légiféré la purification. Il nous a été légiféré de s'embellir. Il nous a été légiféré de marcher vers les mosquées et d'attendre une prière après l'autre et de prier avant de s'asseoir et beaucoup de choses encore, comme l'adhan et l'iqama. Tout cela pour l'accomplissement de la prière et la démonstration de sa grande valeur. Le musulman doit donc immensifier cette prière et lui accorder la plus grande importance. Parmi ce qui nous montre l'importance de cette prière et ses particularités, le fait que ce soit la première action, le premier acte sur lequel nous serons jugés le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection est la prière. est la prière. Si celle-ci est bonne, il réussira et sera sauvé. Et si celle-ci est mauvaise, mal accomplie, alors il aura perdu, il aura échoué. Parmi les spécificités de cette prière, c'est que c'est la première œuvre qu'on ordonne au serviteur lorsqu'il entre en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il envoya Mu'ad radiallahu anhu, un des savants parmi les compagnons, lorsqu'il envoya au Yémen pour appeler les gens à l'islam, il lui dit: ô Mu'ad, tu vas te rendre un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit l'attestation de foi, attester qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières de jour comme de nuit. C'est donc la première action qu'on ordonne aux serviteurs lorsqu'ils entrent en islam. Ajoutez à cela, parmi les particularités de cette prière, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'est appelé dans le Coran imanan. Il a appelé la prière la foi lorsqu'il nous dit, sur la traduction, l'essence de ce bout de verset: et Allah n'allait pas annuler votre foi, c'est-à-dire votre prière. Et cela nous montre la grande valeur de la prière, et que c'est la balance de la foi, et c'est la preuve de la véracité de la foi du serviteur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui la préserve, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un salut le jour de la résurrection. Et on trouve parmi les particularités de la prière dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal mentionne les bonnes actions, puis il réitère la mention de la prière tout particulièrement, car en effet la prière entre dans les bonnes actions. Mais ici on veut nous montrer l'importance de la prière d'entre l'ensemble des actions. Par exemple, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. Il leur a été révélé de faire les bonnes actions et d'accomplir la prière. N'est-ce pas que la prière fait partie des bonnes actions? Mais Allah Azza wa Jal réitère la mention de la prière pour nous montrer son importance. Et cela a lieu dans de nombreux versets du Coran. Parmi ceux qui nous montrent l'importance de la prière, le fait qu'Allah Azza wa Jal l'ait ordonné aux croyants 5 fois par jour, et cela tous les jours de leur vie, alors que la zakat a été ordonnée une fois par an, alors que le jeûne du mois de Ramadan a été ordonné un mois dans l'année une fois par an, et que le pèlerinage à la maison sacrée a été ordonné une fois dans la vie. Quant à la prière, tous les jours, 5 fois par jour, Allah Azza wa Jal veut voir ce serviteur debout devant lui, absalmodier le Coran, incliné devant lui, alimensifié, prosterné devant lui, à s'humilier subhanahu wa ta'ala. Tout cela nous montre que la prière est l'action la plus importante. Parmi les points qui nous montrent les spécificités de cette prière, le fait qu'on ne s'envoie jamais déchargé, quelle que soit la situation, que tu sois résident ou en voyage, que tu sois en bonne santé ou malade, que tu sois capable de te lever ou que tu sois alité sur le lit d'hôpital, que tu sois en sécurité ou en moment de peur et d'insécurité, tu dois accomplir la prière. Elle t'est certes allégée, mais tu ne t'envoies pas déchargé. Le musulman se met dans son meilleur état pour se tenir en prière devant Allah Azza wa Jal. Il accomplit la purification et s'embellit et se dirige vers le meilleur endroit au monde, Al-Qibla, Al-Ka'ba, et il adore Allah seul d'un culte sincère. Tous ces textes, mes chers frères, nous montrent la grande valeur de la prière en islam, sa grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala, donc la grande place qu'elle doit avoir auprès de chacun d'entre nous. Et il est certes triste de voir que beaucoup parmi les serviteurs d'Allah n'ont pas accordé cette grande valeur à la prière et ont même négligé cette prière pour un oui ou pour un non. Et ils ont fait devancer leur bas-monde sur cette prière. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ceux qui négligent cette prière sont menacés d'un lourd châtiment. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Il nous parle également de ceux qui retardent la prière de son temps. Cette prière doit être accomplie comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses conditions, ses piliers et ses obligations. L'un des pieux prédécesseurs, Thabit al-Bunani ou un autre, rahimahullah ta'ala, disait parmi ses invocations: ô Allah, si tu as accordé à l'un de ses serviteurs la permission de prier après la mort dans sa tombe, accorde-la moi. Subhanallah. Si tu as accordé la permission de prier à l'un de tes serviteurs dans sa tombe, fais que ce soit moi, permets-moi de prier même après ma mort. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yu'inana ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi. Wa sallallahumma wa sallillahumma wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. Il y a une femme de Pantin, l'épouse d'un frère qui est décédé, et il vous demande d'invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur. Elle est décédée d'une maladie grave. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala yaghfira laha wa yarhamaha. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah.